le séminaire au niveau central pour étudier profondément la justesse et la vitalité des idées et théories précisées par le général Kim Jong-il dans son œuvre « Des idées du Jutsu » et matérialisée à fond aux activités pour la progression victorieuse du socialisme a eu lieu le 23 mars au Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang. Y ont pris part les cadres du parti, de l'administration, des organisations des travailleurs, des domaines de la science, de l'enseignement, de la littérature et des arts, de la presse écrite et parlée et des hauts faits révolutionnaires et des établissements de formation des cadres du parti du niveau central et de la ville de Pyongyang. On y a publié des dissertations sur le caractère scientifique, la justesse et la vitalité de l'œuvre et les tâches et moyens pour anticiper la victoire finale de l'édification d'une puissance socialiste sous la bannière des idées du Jutsu. Les orateurs ont dit que son œuvre est le grand programme immortel qui a éclairé la voie à suivre pour l'accomplissement de la cause d'émancipation des masses populaires. Ils ont ajouté que les idées du Jutsu sont une grande idéologie philosophique qui a porté au niveau suprême la conception du monde reposant sur le principe philosophique de l'humanité et une philosophie politique précisant la base de principe de la politique qui conduit à la voie la plus juste, le développement de la société et de la révolution. Ils ont ajouté que maintenir fermement le principe directeur des idées du Jutsu est le gage sûr pour obtenir toujours la victoire dans la révolution et le développement du pays. Ils ont souligné que réaliser le plus tôt possible le dessein du général pour l'édification d'une puissance socialiste sous la bannière des idées du Jutsu est l'obligation morale suprême des militaires et civils coréens liés avec le général par la volonté et l'affection et leur devoir le plus sublime en tant que soldats et disciples du général.